Chapitre 3e. On n'avait guère fait plus qu'il n'avait suggéré pour rendre le numéro 3 habitable. On avait tout juste ajouté une chaise de bois et une table branlante au petit lit de fer qui s'y trouvait déjà. Les murs, entièrement nus, s'élevaient sans le moindre relief, des plinthes au plafond, et le plancher de la fenêtre à la porte laissait voir une surface unie de lames non cirées, sauf dans l'étroit espace entre la chaise et la table où l'on avait placé un petit tapis. Il y avait de l'encre et du papier sur la table, et la lampe, qu'il prit soin d'examiner, contenait assez d'huile pour durer jusqu'au matin. Avec un plateau supportant un repas sommaire, cela devait suffire. Jake s'en allait lentement à reculons, lorsque ses regards, qui manifestement contre sa volonté, parcouraient les murs du haut en bas, rencontrèrent ceux de M. Hammersmith, et il s'enfuit brusquement hors de la chambre, en rougissant d'une façon visible. C'était un mince incident, mais qui s'adaptait admirablement aux pensées de Hammersmith, et quand l'homme fut parti, il demeura immobile pendant plusieurs minutes, ses regards parcourant à leur tour les murs du haut en bas. Au bout d'un instant, il prit un verre d'eau sur le plateau et, se dirigeant vers le mur le plus rapproché, commença à mouiller un coin du papier. Quand celui-ci eut été pénétré par l'humidité, Hammersmith sortit son canif, mais avant de s'en servir, regarda derrière lui, d'abord vers la porte, ensuite vers la fenêtre. La porte était close. La fenêtre paraissait protégée par une jalousie, mais la première n'était pas fermée à clé et la seconde laissait apercevoir des vides entre ses lames. Allant à la porte, il tourna la clé avec soin, puis s'approchant de la fenêtre, il essaya de l'ouvrir afin d'abaisser les lames de la jalousie. Mais il ne put exécuter ses projets. La corde qui permettait de manœuvrer de l'intérieur la jalousie avait été coupée et la fenêtre n'obéit pas à ses efforts. Hammersmith retourna au mur et, jetant encore de l'eau sur l'endroit qu'il avait déjà humecté, commença à arracher les coins décollés du papier qui tombèrent lentement. Le résultat fut un désappointement, car il ne vit que du plâtre sous les pelures de papier. Il avait espéré trouver un autre papier sous le bleu, le papier rosâtre dont Mademoiselle Desmarets avait gardé le souvenir, et ne le découvrant pas, il éprouva un vif sentiment de découragement. Il se laissa tomber sur la chaise placée auprès de la table et se mit à réfléchir. Les minutes passèrent, une heure s'écoula, pendant laquelle il ne pensa rien autre qu'à la triste situation de Mademoiselle Desmarets. S'il l'écoutait, il l'entendait appeler au secours. S'il fermait les yeux, il voyait distinctement son image. Le silence dans lequel la maison était plongée favorisait sa rêverie. À la fin, il s'endormit d'un sommeil troublé par des cauchemars. Il était devant une mer en furie, sous la lumière bleue d'un hyperpolaire. Des étoiles brillaient et versaient une pâle clarté sur les glaces flottantes, poussées vers un horizon de nuages fuyants et de vagues houleuses. Sur l'un des glaçons, une femme se tenait seule, attendant la mort. La scène changeait. Un désert s'étendait devant lui sans fin. L'éclat des sables arides et du ciel sans nuages brûlait les yeux. Au milieu de cette solitude sans eau, sans verdure, sans ombre, elle était abandonnée, étendait des bras impuissants vers les cieux d'airain. Non, ce n'était pas un désert en feu, ce n'était pas une mer glacée, c'était une cité illuminée par des lueurs sinistres, dévorée par les flammes qui se tordaient et sifflaient autour de ses maisons, de ses monuments. Elle était encore là, agrippée à l'extrémité de la corniche d'un immeuble ravagé par l'incendie et qui allait bientôt s'effondrer, et elle suppliait qu'on la sauvât. Il pouvait voir l'effort des muscles de ses bras, le désespoir peint sur ses traits livides et convulsés, tandis que de lourds nuages de fumée montaient vers elle. Horreur ! Ce n'était pas un rêve. Il était éveillé, lui, Hammersmith, dans cette auberge solitaire de l'Ohio, et le feu y avait éclaté. Un terrible cri de détresse retentissait à ses oreilles. Était-ce elle qui avait crié ? Il s'était mis debout. Ses regards se dirigeaient vers le plancher à travers les fissures duquel de la fumée commençait à filtrer. Non seulement l'auberge était en feu, mais le foyer de l'incendie se trouvait au-dessous de lui. Cette découverte le réveilla complètement. Il bondit vers la porte. Elle ne s'ouvrit pas. Il bataille avec la clé, mais elle ne voulut pas tourner, coincée qu'elle était dans la serrure. Prenant son élan, il se jeta de tout son poids contre le panneau en appelant violemment au secours. Ce fut en vain. La porte ne fléchit pas. Personne n'accourut à son aide. Conscient du danger qu'il courait, il abandonna ses inutiles efforts et se tourna désespérément vers la fenêtre. Sa seule chance de fuite était de ce côté, ainsi que son seul moyen d'échapper à l'asphyxie par la fumée qui envahissait la pièce. Il briserait la fenêtre, puisqu'il ne pouvait l'ouvrir, et chercherait à se sauver par cette voie. On l'avait condamné à mort, mais il savait courir sur les toits comme un chat, et ne craindrait plus rien lorsqu'il serait délivré de cette fumée. Saisissant la chaise, il s'avança vers la fenêtre, mais avant de l'atteindre, il s'arrêta. Ce n'était pas seulement lui qu'on cherchait à détruire, mais aussi la chambre, car elle renfermait la preuve du crime. En cet instant où son intelligence était vivement surexcitée, il en était sûr. Mais que faire? Comment pouvait-il sauver la chambre, et par ce moyen sauver à la fois la jeune fille et lui-même? Un simple coup d'œil lui prouva que c'était impossible. Sous ses pieds, les lames du parquet étaient brûlantes. Des éclairs de lumière jaune, glissant à travers les lames de la jalousie, prouvaient que l'étage inférieur était déjà en flammes. La chambre disparaîtrait, et avec elle, toute chance de résoudre le mystérieux problème qui le passionnait. En attendant, les yeux lui cuisaient, il avait le vertige. Il alla en trébuchant jusqu'au mur et s'apprêtait à l'utiliser comme appui dans son effort pour gagner la fenêtre. Ses doigts s'y agrippèrent. Soudain, il s'arrêta net. Ses ongles, déchirant le papier bleu à raies, avaient mis à découvert un papier de nuance rosâtre. Lâchant la chaise qu'il tenait encore, il tâtonna pour prendre son canif, le trouva, fit un bond vers le mur et attaqua le plâtre avec frénésie jusqu'à ce qu'il en eût détaché un morceau qu'il mit dans sa poche. Alors, il courut vers la fenêtre et de toutes ses forces jeta la chaise contre les vitres. Elles éclatèrent et l'air frais qui se précipita dans la chambre le ranima. Une seconde tentative dégagea complètement la baie et d'un coup d'œil, Hammersmith aperçut à la fois la figure d'un homme qui se trouvait à l'une des plus hautes fenêtres de la grange voisine et la montée soudaine d'une énorme colonne de fumée meurtrière. Hammersmith s'était monté sur l'appui de la fenêtre pour regarder au dehors. La pièce se trouvait au second étage et comme elle était assez basse de plafond, la gouttière qui bordait le toit se trouvait très rapprochée du haut des fenêtres. L'atteindre ne constituerait pas un exploit difficile pour quelqu'un d'aussi fort et agile que lui, si seulement la fumée pouvait se rabattre. Ah, elle se rabattait. Une saute de vent venait à son aide et pour le moment, la voie était libre. D'un effort vigoureux, il se hissa sur le bord du toit. Mais une fois arrivé là, l'horreur le saisit de nouveau. Une haute fenêtre du bâtiment principal de l'auberge était devenue visible et dans l'encadrement, on apercevait une femme affolée prête à se jeter au dehors. Elle hurlait. Tandis qu'il mesurait de l'œil la distance qui séparait cette fenêtre du toit en pente, puis celui-ci du sol. Il reconnut la voix. C'était la femme de chambre, Hulda, dont il avait espéré obtenir quelque éclaircissement sur l'affaire. Était-elle prisonnière elle aussi? Sa frayeur, les regards affolés qu'elle jetait autour d'elle, semblaient le prouver. Les misérables qui avaient sans doute assassiné Madame Desmarets, qui avait allumé l'incendie, l'avaient séquestré lui, Hammersmith, avaient probablement aussi enfermé cette femme. Leur but était de faire disparaître deux témoins dangereux. Quel aveu de culpabilité! Une telle abomination ne devait pas réussir. L'indignation galvanisa Hammersmith. Il lui fallait sauver Hulda, qui devait connaître, en partie du moins, le secret du drame. Il lui fallait aussi s'assurer que Mademoiselle Desmarets était en sûreté. Un brouhaha s'élevait maintenant des cours. Les cris, les fenêtres ouvertes en hâte, prouvaient que l'alarme était devenue générale. En un instant, le cri effrayant « Au feu ! Au feu !» se fit entendre d'un bout à l'autre du bâtiment menacé. Il fut suivi par les hurlements des femmes, les imprécations des hommes et par le jaillissement des flammes. « Elle entendra, elle s'éveillera » pensait-il, tout son cœur tendu vers elle, tandis qu'il rampait lentement le long de la gouttière. Hulda allait-elle l'apercevoir et prendre courage ? Non, ses yeux étaient fixés sur les flammes. Un appel attirerait-il son attention ? L'air était rempli de cris. Cependant, il essayerait à la première accalmie. Oui, le moment était venu, tandis que sa tête était tournée de son côté. L'avait-elle entendu? Oui, car elle le regardait. « Ne sautez pas » criait-il. « Attachez un de vos draps à votre lit. Faites un nœud solide. Attachez le second drap au premier et jetez mon le bout. Je l'attraperai. Ensuite, vous descendrez en vous cramponnant de toutes vos forces. » Elle leva les bras au ciel et le regarda. Une expression de terreur mortelle sur le visage. Puis, comme l'atmosphère devenait irrespirable, elle fit un signe d'assentiment et rentra en chancelant dans sa chambre. Il épia sa réapparition avec une incroyable anxiété. Son poste devenait périlleux. Le feu n'avait pas encore atteint le toit, mais en ruinait rapidement les supports, et la chaleur était intolérable. Était-ce son devoir d'attendre cette fille, peut-être déjà domptée par son effroi et gisant évanoui? Oui. Aussi longtemps qu'il pourrait lutter contre la chaleur, c'était son devoir, mais... Ah, Qu'y avait-il ? Quelqu'un l'appelait. Il avait été aperçu enfin, et des hommes à demi vêtus s'empressaient de traverser la cour avec une échelle. Il pouvait voir leurs visages sous la lueur rouge des flammes. Mais tandis qu'il épiait leur approche, il les vit s'arrêter, se détourner et se précipiter derrière une encoignure de la maison. Quelqu'un, dont il pouvait distinguer la main tendue, le visage sinistre, les avait dirigés de ce côté. Quimby s'était rendu compte du danger que lui ferait courir le sauvetage de Hammersmith, et il était intervenu pour l'empêcher. Mais tout à coup, il aperçut de nouveau la fenêtre Rulda, qui tenait à la main des draps tordus en corde. Durant quelques secondes, la femme de chambre, penchée à la fenêtre, balança sa charge dans l'espace. Enfin, l'extrémité des draps vint s'abattre sur le toit, et Hammersmith put la saisir. « Doucement, maintenant » cria-t-il. « Prenez votre temps et tenez ferme, je vous guiderai. » Il sentit le frêle appui se tendre. Elle enjambait la fenêtre et commençait à descendre, suspendue dans le vide. Il tenait le drap avec force, arc-bouté du mieux qu'il pouvait contre le toit. La tension devenait plus intense. Elle glissait vers lui. Les mains d'Hulda rencontrèrent un nœud. Cet obstacle faillit lui faire lâcher prise. Il lui cria un conseil de prudence, perdu dans le ronflement grandissant des flammes, dont les volutes sifflantes commençaient à dépasser la gouttière. Elle regarda en bas, vit le péril proche et hâta sa descente. Tout l'être de Hammersmith, cœur, nerfs et muscles, était au maximum de tension, quand tout à coup, quelque chose siffla à son oreille, une balle. Dans l'obscurité, quelqu'un tirait sur lui. Une seconde balle siffla à ses oreilles et vint écorner l'encadrement de la lucarne qui se dressait à sa hauteur. Les deux coups de feu, éclatant brusquement, eurent ce singulier résultat d'affermir le courage d'Hammersmith. Au moins le danger qu'il menaçait se précisait. À ce moment, d'ailleurs, Hulda, ayant parcouru son périlleux chemin, atteignait le bord du toit. Se raidissant dans un effort suprême, il lui tend les bras. La voilà arrivée. Tous les deux se tiennent debout et chancelant sur le toit glissant, sans autre appui que le mur le long duquel elle est descendue et qui s'échauffe rapidement. Hammersmith regarde anxieusement autour de lui. D'un côté, les flammes s'élèvent. De l'autre, un ennemi secret est tapis. Les premières vont les atteindre, il leur faut affronter l'autre. Par bonheur, le cordage improvisé à l'aide duquel Hulda put descendre est d'une longueur suffisante pour que son extrémité touche le sol. Hammersmith le jette dans la cour, presque aussitôt des mains amies le saisissent et Hulda arrive dans la cour, saine et sauve. Hammersmith se préparait à la suivre, mais il sentit soudain son courage l'abandonner et ses forces faiblir. Avait-il été atteint par une déballe ? Il ne s'en rendait pas compte. En tout cas, ses membres ne lui obéissaient plus et ils avaient la lourdeur du plomb. « Dépêchez-vous ! Dépêchez-vous » criait-on d'en bas. Mais il demeurait cramponné au toit, comme hébété, lorsqu'à la lueur de l'incendie, il aperçut, au milieu du grouillement de la cour, Mademoiselle Desmarets, dont le visage était tourné vers lui, et ce visage exprimait toute la terreur que peut ressentir le cœur désespéré d'une femme. La joie que cette vision lui apporta éclaira son cerveau et lui fit retrouver son énergie. Étendu sur le toit et se soulevant sur un coude, il passa les pieds par-dessus la gouttière, s'accrocha frénétiquement à ce frêle appui, se tint suspendu un instant, puis empoigna les draps et se laissa glisser. Comme il touchait le sol, un seul cri étouffé s'éleva de l'attroupement devenu silencieux. Il reconnut la voix. Mademoiselle Desmarets se réjouissait de ce qu'il fût sauvé. Quand son esprit redevint tout à fait clair, il se trouvait loin du bâtiment à demi détruit. Quelques hommes étaient rassemblés autour des décombres, et Mademoiselle Desmarets s'évanouissait dans l'ombre. Mais il distinguait mal tout cela, car le sang, coulant d'une éraflure qu'il portait au front, et dont personne ne s'expliquait l'origine, l'aveuglait. « Où est Quimby ? » s'écria-t-il avec force. « C'est lui qui a tiré sur moi. Je vous ordonne, au nom de la loi, de m'aider à l'arrêter. » Le cercle s'élargit, tandis que s'élevaient des clameurs confuses. « Oui, s'écria une femme, Quimby est un misérable. Il m'a enfermé à clé dès le début de l'incendie. Je suis prête à parler maintenant. Avant, j'avais peur. » Et Hulda se dressait d'un air résolu. Ce fut tout d'abord, dans l'assistance, une stupéfaction, puis tous ceux qui se trouvaient là, commençant à flairer un mystère, se précipitèrent du côté des granges et vers les buissons qui avoisinaient l'auberge pour rechercher celui dont on dénonçait le crime. Au moment où Hammersmith se joignait aux poursuivants, la partie de l'auberge qui renfermait l'énigmatique chambre numéro 3 chancela, puis s'abattit avec fracas, lançant vers le ciel une énorme gerbe d'étincelles. Ce spectacle effrayant s'offrit aux yeux de Mademoiselle Desmarets à l'instant même où elle sortait de son évanouissement. Elle contemplait, les yeux dilatés par l'épouvante, cette vision d'enfer, quand elle entendit résonner à ses oreilles une voix pleine de bonté, en même temps qu'une douce main l'enveloppait dans une couverture à demi brûlée. « N'ayez pas peur, » disait la voix de Hulda, « on recherche Kimby. On dit qu'il a lui-même mis le feu à l'auberge pour détruire les preuves de son crime. Je sais qu'il m'a enfermé parce que je... Oh, voyez, ils l'ont pris, et avec un fusil à la main. » Les deux femmes se dressèrent, haletantes de terreur. Puis Hulda se rejeta en arrière, en s'écriant d'un ton d'angoisse soudaine. « Mais non, ce n'est pas lui, c'est Jake, Jake !»